Seigneur, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être reconnu. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Ce matin et pour le siècle des siècles, tu seras digne, tu as été digne. Nous célébrons ton nom. Nous exultons devant toi. Nous réalisons que tu es notre Dieu comme des fils autour de leur Père. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir enrôlés dans ta famille. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Viens, Seigneur, dans ta gloire. Viens, règne dans ta gloire. Viens et jouis de notre adoration. Viens, Seigneur, jouis de notre adoration. C'est pour toi, Seigneur. Jouis de notre célébration. C'est pour toi, Seigneur. C'est pour toi, Yahweh. C'est pour toi, Jésus. C'est pour toi. Et tu crois ce que je diminue et tu prennes contrôle de cette réunion. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Adorable. mérites, Seigneur. Viens où les vrais adorateurs t'adoreront en esprit et en vérité. C'est ce que nous sommes venus faire ce matin. Reçois l'adoration de notre cœur. Reçois l'expression de nos cœurs. Reçois l'expression de nos âmes. Reçois l'expression de nos esprits. Nous prosternons devant ton trône. Oh, nous jetons nos couronnes à tes pieds. C'est toi qui es Dieu. Nous sommes des hommes. C'est toi qui es Dieu. Tu mérites la louange et la gloire jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Les cieux et la terre te reconnaissent. Toute la création exulte devant toi. Tout l'univers reconnaît que c'est toi qui l'as créé. Oh, mon âme t'adore, mon âme t'adore, mon âme t'adore, mon âme t'adore, mon âme te célèbre. Mon âme te célèbre, Seigneur. Adorable mystère. Adorable mystère. Adorable mystère. Parle à nos cœurs ce matin, Seigneur. Instruis-nous devant ta face. Enseigne-nous et mène-nous dans le chemin de la réussite. Dans ce que tu as voulu de nous chacun en son nom. Fais-nous réussir, Seigneur, dans la vie. Fais-nous réussir dans ton œuvre. Fais-nous réussir. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. Tu peux aussi saluer le voisin et dis-lui, nous sommes au 8e jour du tournant décisif. 8e jour. Bienvenue, frère. Alléluia. Il y en a qui n'ont pas été là la semaine. Nous avons eu à accueillir nos bien-aimés missionnaires. Et j'aimerais encore les accueillir parce que ce sont vos serviteurs que vous avez envoyés et qui travaillent de notre part. Et ils font ce que chacun d'entre nous devrait être en train de faire là-bas. Mais ils sont partis à notre place. Amen. Amen. Alors nous accueillons Papa Oupessi, Pasteur Oupessi, Jacques, salut l'Assemblée, Karibu, il est à Kiwanja, et il fait du bon travail là-bas. Amen. Nous accueillons Pasteur Adassa, il est à Kampala. Elle fait du bon travail à Kampala. Alléluia. Je voudrais dire aux femmes, Dieu n'a pas donné aux femmes un Saint-Esprit femme. Est-ce qu'il y a deux Saint-Esprits, masculin et féminin? que tu sois homme, que tu sois femme, c'est le même Saint-Esprit. Alors toutes les femmes et les sœurs qui sont ici, servez le Seigneur. Le même Saint-Esprit qui utilise les hommes, utilise les femmes. Et dans notre communauté, le ministère des femmes est accepté. Et selon la parole de Dieu. Alléluia. Donc elle est en train de bénir les gens à Kampala. Et que Dieu te bénisse. Amen. Et nous avons l'évangéliste Jires à Arua, au nord de l'Ouganda. Le travail est en train de commencer là-bas avec notre frère Jires Kiemba. Kiemba. C'est quelque part en face de Aru. Vous connaissez Aru au Congo. Alors, la ville qui est en face, à quelques 14 kilomètres, c'est là Arua. Donc, dans Ouganda. Voilà, donc on va avoir deux missions bientôt. Enfin, on est en train d'avoir deux missions en Ouganda. Que Dieu te bénisse. Il est en train de travailler là-bas. Et nous avons besoin de pourvoir à tous ces besoins de missions, vous voyez. Alléluia. Il faut construire un hangar dans lequel il va travailler, un hangar métallique. On est en train de faire les devis. Je vais vous amener les devis bientôt. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu le nom des donateurs sans réserve et qui vont se dire, « Kalka 8 000, kalka 15 000, de mouni pea pa mina fanya. » Si tu dis, « Chao, on habite la ville. » Hein? Alléluia. C'est un peu comme ces murs qu'on est en train d'arranger. Une sœur a dit, « Pasteur, laisse-moi faire ça moi-même. » Vous avez vu, non? Et demain, on va mettre les vitres. Et il y a beaucoup de choses que les uns et les autres vous êtes en train de faire. Et ça, c'est la force de l'Église de Jésus-Christ. Et nous accueillons le couple Timothée. Ils sont... Tu peux saluer l'assemblée aussi. Ils sont à Walikale. Walikale. Et il faut du bon travail à Walikale. Hein? Que Dieu vous bénisse. On a eu déjà se procurer un petit terrain pour l'église là-bas. Donc aussi, il faut construire dedans. Amen. Même à Kiwanja. Je vous avais annoncé qu'on a déjà le terrain sur la nationale numéro 4. Ils sont encore en train de louer une salle, mais il faut qu'on construise aussi les lieux de culte. On est en train de clôturer la parcelle. On n'a pas encore fini. Et puis il faut construire dedans pour que l'église vienne chez nous. À Walikale aussi. Il faut qu'on construise chez nous. À Arua, on va d'abord faire un hangar sur les terrains que nous avons loués, mais métallique, pour qu'on puisse les déplacer quand on aura un terrain. À Kampala, on a déjà une bonne salle. Et ceux qui suivent les médias, ils peuvent voir ça. Alléluia. Et les gens prient dans de bonnes conditions. Même le pasteur a son bureau. Donc si un ministre veut venir à l'église, il peut voir le pasteur au bureau. Un bureau propre. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la mission? Nous bénissons le Seigneur aussi pour la mission de Béni. Et successivement, des bien-aimés sont en train d'aller soutenir la mission à Béni. Le pasteur Pierrot était là-bas récemment. Tu peux saluer l'assemblée, on ne t'a pas encore vu aussi. Il a fait quelques semaines et le pasteur Jean-Baptiste est parti aussi apporter un coup de main. Il est là-bas. Le pasteur Christophe était là-bas précédemment. Alléluia. L'œuvre de Dieu marche. Alléluia. Nous avons aussi notre bien-aimé, le pasteur de Kitembe. Kitembo. Makombo. Makombo. Quelque part, ça qui puis on prolonge vers là. Nous l'accueillons aussi, notre pasteur de l'église, et notre église, la KDC, qui est à Makombo. Pasteur Baudouin, c'est ça son nom. Voilà. Pasteur Baudouin. Il est venu nous visiter. Que Dieu vous bénisse là-bas aussi. Et durant le mois de mai, il y a des bien-aimés qui sont dans le travail auprès des autres églises. Je bénis Dieu, on a eu de bons témoignages. Les bâtisseurs qui ont fini à l'école du ministère sont en train de faire du très bon travail dans quelques églises. Est-ce que les bâtisseurs peuvent se lever? On les accueille. C'est des potentiels missionnaires. Levez-vous tous les bâtisseurs qui sont là ce matin. Et les uns sont en train d'implanter des cellules vie. Les autres sont en train de partir dans les autres églises pour prêcher, pour faire des séminaires, pour apporter la parole, pour enseigner la prière, pour enseigner les codimes, la jeunesse. On peut bien acclamer le Seigneur, non? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais qu'on puisse dire merci à Dieu aussi pour tous ces donateurs qui sont dans cette église. Vous savez, je ne vais pas leur dire de se lever parce que ce terrain-là exige la discrétion. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Prochainement, nous allons avoir une réunion où on va parler, partager avec tous ces bien-aimés qui sentent que leur nom, c'est donateur sans réserve. On va avoir une réunion ensemble. Nous allons vous le communiquer bientôt. Amen. Alors ce matin, nous voulons, en ce huitième jour, poursuivre et clôturer, je voudrais bien dire clôturer sur la première base de la réussite. Nous avons, vous rappelez notre texte, notre thème, c'est quoi notre thème? Tout ce qu'il fait, lui réussit. Alors, nous avons depuis dimanche commencé à parler de des bases de la réussite selon Dieu. Et nous avons commencé à aborder, à partager sur la première base de la réussite qui était quoi? Connaître votre nom divin. Votre nom divin. En fait, j'aimerais nous aider à circonscrire cette pensée de la réussite pour rappeler que la réussite est réussite quand elle opère dans son domaine. Quand vous opérez dans un domaine qui n'est pas à vous, vous aurez une réussite selon vous, mais ne sera pas une réussite selon Dieu. Les hommes peuvent vous coter, peut-être positif, pendant que Dieu vous attend ailleurs et il est en train de vous coter négatif. Et donc la vraie réussite, c'est celle qui se passe dans le contexte que Dieu a imaginé, prévu, construit pour votre existence. Lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, nous sommes là où Dieu veut que nous soyons, au moment où Dieu veut que nous soyons, de la manière dont Dieu veut que nous soyons, alors, nous réussissons. Les réussites que tu connais dans la vie, avant de savoir quel est le contexte que Dieu prévoit pour toi, ce sont des chimères. Et la plupart des temps, ce sont des réussites qui nous laissent à la fin de notre vie dans la tristesse. Avez-vous vu ces milliardaires ou millionnaires qui finalement se suicident parce qu'ils se rendent compte que ça ne sert à rien? Mais un homme et une femme qui a navigué dans la volonté de Dieu, qui a navigué dans son nom, qui a navigué dans les prévisions divines pour son existence, à la fin de sa vie, il part au ciel à sourire. Ungubab. Il faut bien mourir comme ça. Il y a des gens qui meurent en gémissant, en luttant, alors qu'ils laissent derrière eux beaucoup de choses, des richesses, des maisons, des champs, des fermes, des concessions, des entreprises. Mais ils gémissent. Tu gémis pourquoi? Mais regarde. Il ne sait pas où il va. En fait, la réponse de son être intérieur est en train de lui dire, tu as échoué ton séjour sur la terre. Et ça, on ne sait pas s'échapper. Tu peux faire semblant devant les autres, devant les hommes, mais tu ne sauras jamais faire semblant devant ta conscience, devant ton esprit. Ton esprit est témoin si tu as réussi ou non. Et lorsque nous approchons la fin de notre vie, nous nous rendons compte que nous avons été tout simplement perdus, qu'on était dans n'importe quoi, malgré que les gens nous adorent. Je vous ai déjà raconté une histoire qui s'est passée à Kindu. Un moment, j'étais à Kindu, on était à Kindu comme missionnaire. Et qu'un frère, un ami est venu ouvrir, enfin un boss de Butembo est venu ouvrir ses activités-là. Et il a ouvert un grand magasin. Et puis un monsieur, le gérant, qui est venu dedans, qui était vraiment libéral. Enfin, dans sa tête, je crois aussi, les choses n'allaient pas très bien. Parce qu'il pouvait sortir sur la rue, s'il voit une belle fille passer, il appelle, bon, tu es engagé. Tout de suite. Peut-être dans sa tête, il avait des principes selon lesquels la beauté vend. Vous avez vu, même si le pepsoda omet une femme. Hein, les marketeurs. Bon, sauf si les églises... Je crois qu'on ne va pas mettre les femmes pour faire le marketing de l'église, on met une femme. Mais dans l'essentiel des choses, pour le marketing, on met une femme. Et ce garçon, ce papa, il faisait les choses comme ça. Et il était libéral. Il voit, il est tellement content de toi, tu es venu dans la boutique. Et puis il te donne, il t'offre. Et il est devenu très populaire. Jusqu'au jour où un soir, une nuit, nous attendons quelque chose, un bruit quelque part en face de chez nous. Or, les gars venaient de Soleil. Pour ceux qui connaissent Kindu, Soleil. Vous connaissez Soleil? En kilote. Et on ne sait pas ce qui s'est passé avec lui. Il est tombé de l'étage. Et les gardiens qui étaient en face et de l'autre côté constataient que quelqu'un est tombé, commençait à ronfler. On vient constater que c'est les gérants. Il a des kamundélés dans la poche. Il vient de Soleil. Et puis il est mort. Comme il était de notre tribu, On l'a amené accompagner le corps à l'aéroport pour les ramener au village. Mais qui sont là pour accompagner Mungu Baba? Je vois encore cette image d'une dame connue là-bas qui, les gens ont pleuré le monsieur. Je voudrais dire le frère. Les gens l'ont pleuré. Et les unes venaient. Oh, injo e nyalini pajana. Et l'autre a montré le naïli papa ni pa yojuzi. Et puis elle pleurait. J'ai dit, quelle beauté de deuil. Je crois que quand il vivait ces choses et il était en train de le faire, il avait l'impression qu'il était en train de réussir. Mais la réussite est réussite quand c'est dans le contexte divin. Ta réussite sera réussite si et seulement si elle se produit, elle se vit, elle s'exécute dans ton nom ou en réponse aux prévisions divines sur ton existence. Alléluia. Alléluia. Vous allez même observer dans le couple, si tu t'es mal marié, tu avais juste pris une femme, tu as difficile de dire si ton foyer marche ou non. Que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous sommes dans le contexte divin, nous sommes dans ce que Dieu a imaginé à l'origine pour notre existence, alors nous réussissons. En fait, nous sommes dans le bain de la réussite. Cela n'exclut pas d'autres principes que nous devons mettre en pratique. Mais d'abord, la question fondamentale, c'est qui veut réussir? Et nous avons dit, tu dois connaître ton nom. Ton nom. Et ce nom vient du lieu très saint. Ce nom est conçu par l'Éternel. Ce nom, c'est l'idée de Dieu sur ton existence. Ce nom, c'est le condensé de tout ce que Dieu veut faire avec toi sur la terre. Ce nom-là. C'est pourquoi, lorsque tu as ce nom, nous avons vu les avantages. Ce nom t'apporte la sécurité. Ce nom t'apporte la provision. Ce nom t'apporte l'onction. En fait, ce nom t'apporte la reproduction. Bref, la réussite. Ta réussite est cachée dans ton nom. Ta provision est cachée dans ton nom. Ta sécurité est cachée dans ton nom. Lorsque tu es à côté, tu es loin de ton nom, tu n'as pas beaucoup de chances d'être sécurisé. Vous connaissez ce texte du chef, la chèvre de Monsieur Séguin? Hein? Lorsque la chèvre était avec son boss, ça marchait. Et puis elle a dit, moi je vais monter à la montagne pour brouter. Les résultats, au lieu que la chèvre broute, elle a été broutée par les loups. Alléluia. Alléluia. Alors au courant de la semaine, nous sommes restés parler de cette première base de la réussite. Connaître ton nom divin. Sur les quelques 5 bases que nous allons aborder dans la suite, peut-être vers la fin de ce programme, si Dieu nous le permet. Nous avons vu dans cette première base les facteurs que rencontre l'homme qui retrouve son nom. Et nous avons vu le premier facteur, c'est la conscience de la lourde responsabilité attachée à ton nom. Deuxième facteur, c'est que celui qui a trouvé son nom se retrouve dans l'école de Dieu. Amen. Troisième facteur, c'est que celui qui a rencontré son nom se retrouve en train d'être focalisé sur la raison de son existence. Il est focalisé. Et nous avons vu hier que les hommes et les femmes qui sont focalisés sont très recherchés par Dieu. Dieu est à la recherche des hommes et des femmes qui fonctionnent avec focus, qui sont focalisés, qui ne tâtonnent pas en plein jour. Des hommes et des femmes qui se concentrent sur ce qui est essentiel. Et Dieu, lorsqu'il retrouve quelqu'un qui fonctionne de cette manière-là, Dieu l'enrôle, Dieu le visite. Les Gédéons, les David et tous ces grands que vous voyez dans la Bible, c'est des personnes qui étaient focalisées et Dieu les a retrouvées. Et ils ont laissé un grand impact dans leur génération. Buona sifiwe. Et ce matin, je voudrais aborder le quatrième facteur, c'est les cœurs attirés vers l'utilitaire. L'utilitaire, c'est-à-dire l'intérêt du plus grand nombre. Les hommes et les femmes que Dieu a aidés à avoir leur nom ont fini par découvrir que leur nom n'était pas destiné juste à les servir eux, mais que dans leur nom, ou la valeur de leur nom, c'était la mission que Dieu leur assignait pour leur communauté, pour leur prochain, pour leur nation, pour leur génération. Alléluia. Jésus lui-même, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, il n'est pas venu pour se sauver lui-même. Il n'est pas venu pour se sauver lui-même. Il est venu pour sauver et mourir pour l'humanité et non pas mourir pour lui-même. Bonas fiu. Et si ton nom est lumière, donc tu es lumière pour les autres. Tu n'es pas lumière pour toi-même. Tu es lumière pour les peuples. Tu es lumière pour la nation. Tu es lumière pour ta génération ou pour les nations ou lumière jusqu'aux extrémités de la terre. Si Dieu t'appelle salut ou source de salut, tu es salut non pas pour toi. De sorte que même Paul dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous ne sommes pas sauvés pour juste être sauvés nous seuls, mais nous devons être sauvés aussi pour les autres. Notre salut individuel contient le salut des autres. Lorsque Dieu t'appelle donateur, c'est que tu es donateur. On ne donne pas à soi-même. Malheureusement, notre génération aujourd'hui donne à elle-même. Les gens sont riches pour eux-mêmes. Les gens sont puissants pour eux-mêmes. Même dans le ministère, il y a des gens qui s'exercent à être remplis du Saint-Esprit pour eux-mêmes, pour qu'on les connaisse, pour qu'ils soient quelque chose. Mais dans notre société, tu as besoin de pouvoir apprendre que ton nom contient un appel pour les autres. Un appel pour les autres. Alléluia. Donateur sans réserve. Qui dit, je vais mettre le pavé à l'église. Vous savez, c'est quelqu'un qui a mis toute la partie là, derrière. Que Dieu la bénisse. Elle a dit, pasteur, laisse-moi faire ça moi-même. Et puis elle a donné l'argent. Vous êtes bien assis, n'est-ce pas là? On est bien assis, hein? Ce n'est plus dans le sable, Vous savez, dans le passé, on disait que tout le monde va aller à genoux. Et puis, c'est mes pasteurs. Oui, au coucou, le coucou tapis. C'est au coucou, mouchangaï, mouchangaï, dans tout le monde, à ma côte. Mais une sœur a compris que l'argent que j'ai, c'est pour l'intérêt des autres. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Parce que maintenant, si on dit, mettons-nous à genoux, est-ce que tu vas hésiter? Même si tu es habillé à blanc, le ministère caché est passé la nuit là-bas. Vous savez, quand nous venons ici, on est bien assis. Parfois, on a l'impression que c'est venu par soi ou les anges sont venus faire. Il y a des gens, jusqu'à 1h du matin, étaient en train de travailler ici. Torchonner, enlever la poussière, arranger. Hey! Mais les uns sont des chrétiens de dimanche, ils viennent jouir. Pasteur, il faut nous mettre un bon cadre. On doit prier dans de bonnes conditions. Ça, wa, sina ukuye uitumike ako. Même si tu es grand et que tu as peur qu'on sache que toi aussi tu sers le Seigneur, mais viens même dans ce ministère-là. Sers Dieu en cachette, fais le Nicodème. Vous savez, Dieu nous paye pour tout ce que nous faisons. Et tu n'auras peut-être pas l'occasion de prêcher. Dans ton nom, il n'est pas prévu prédicateur. Mais tu peux faire quelque chose pour les autres. Je ferme la parenthèse. Je peux la fermer? Ok. Si Dieu t'appelle évangéliste, tu n'es pas évangéliste pour toi. Si Dieu t'appelle pasteur, tu n'es pas pasteur pour toi, tu es pasteur pour les âmes. Jésus dit à Pierre, paie mes agneaux, paie mes brebis. Si Dieu t'appelle inventeur, tu ne vas pas inventer la solution pour les cancers que tu as. Il ne faut pas attendre d'avoir les cancers pour commencer les recherches sur les cancers. Il faut percevoir le besoin du plus grand nombre et s'investir pour trouver la solution. Il y a quelqu'un à qui Dieu va donner le nom de trouver le nom de la solution pour les cancers. Allons-nous partir au ciel sans que cette affaire ait été résolue? Quand vous allez à l'hôpital et vous rencontrez quelqu'un, il a le cancer, vous dites au médecin, il a dit quoi? Cancer. Basse. Tout secours. Basse. Donc, où est-ce? Amen. Prostate. Il y a une prostate. Oh, c'est fini. Pourquoi certaines choses doivent nous arrêter? C'est vrai, Dieu guérit le cancer, Dieu guérit les postes et toutes ces maladies que vous connaissez. Mais il y a des sociétés et des peuples qui n'ont pas quelqu'un pour venir prier pour eux. Ils n'auront pas cette prière. Mais Dieu peut envoyer sur la terre, peut-être à l'arche ici, celui qui va inventer, qui va découvrir la solution pour ces grands problèmes. Est-ce que ce n'est pas toi? Dieu peut te donner le nom de transformateur. Tu n'es pas transformateur pour toi-même, transformateur de communauté. Vous voyez ce que nous vivons dans notre environnement africain. Alléluia. Je vais demander aux amis, s'il y a une chaise vide à côté de toi, il faut signaler au protocole pour que les amis qui n'ont pas de place puissent. Il y a quelques places par ici, protocole. S'il y a une place vide à côté de toi, signaler pour que quelqu'un ne soit pas debout en écoutant la parole. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez 1 Samuel 17, verset 26, David court devant Goliath. Et il dit, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, qui lance un défi aux troupes du Dieu vivant? Jeune homme, tu viens de la brousse, tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas fait l'armée. Qu'est-ce que tu parles comme ça? Il dit, Eliab, est-ce que je peux faire quelque chose? Ça fait 40 jours que le peuple est devant Goliath. Il n'arrive à rien faire. 40 jours. Chaque fois que Goliath apparaît le matin et le soir, le peuple de Dieu fuit jusqu'à ce qu'un jeune homme arrive. Et ce jeune homme demande, on va donner quoi à celui qui va abattre ces messieurs? Et les grands frères, souvent les grands frères, on néglige les petits frères. Et dans certaines cultures, vous savez, même si quelqu'un c'est ton petit frère, tu n'as pas besoin de l'humilier à tout moment pour dire petit, petit, petit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des cultures surtout dans notre région ici. Oui, qu'au petit angouyou. Petit, et Bwana, appelle-moi Eston même, non? Petit, je sais que je suis ton petit frère. Je sais déjà. Est-ce qu'il faut activer petit, petit, petit? Il faut activer ça. Tu veux que tout le monde sache que je commence à répondre, grand frère, attends. Même dans le petit là, il est possible qu'il y ait un contenu dont tu as besoin, toi grand. Ne négligez pas les petits frères. Ils ont aussi des contenus. Ils ont des noms venus du ciel dont tu as besoin. Un minimum de respect dans la société. Bon esprit. Et finalement, David comprend que mes grands frères ici ne comprennent rien. Ils cherchent quelqu'un d'autre. Et puis finalement, on les conduit au roi. Et quand il arrive chez le roi lui pose la question, mais toi, tu sais quoi? Il dit, non, non, moi, je peux faire quelque chose. Et il le regarde, dit petit. Ces messieurs que tu vois là, il a une longue expérience. Depuis sa jeunesse, il fait les guerres. Tu ne peux pas te battre contre lui. Heureusement, cet enfant vient de notre camp de formation où l'Éternel Yahweh était lui-même le coach, le formateur. Hein? On les appelle comment ces officiers qui viennent former les militaires? Les instructeurs. Dieu lui-même était l'instructeur. Dans ces camps de formation, ça ne se passe pas comme dans les camps des hommes. Chez les hommes, on les torture, on les fait souffrir pour dire Fokota Okola, Kota Koli. Et dans les camps de Dieu, le garçon, il a été à la formation sans armes. On se bat avec les mains libres. Avec les lions, on attrape les lions avec la main. On le déchire, on enlève sa brebis. Dans les camps de formation de David, il a appris comment on se sacrifie pour une seule brebis. On en a parlé hier. Il a appris toutes les leçons qu'on a apprises hier. Et il dit au roi Saül, je ne sais pas s'il a dit papa, mais quand même, c'est le roi. Il dit, quand j'étais derrière les troupeaux, les lions venaient et il attrapait ma brebis. Je courais derrière les lions, j'attrapais les lions, je le déchirais et j'enlevais ma brebis vivante. C'est quoi ça? Il s'est dit, si ça c'est vrai, alors ce petit peut faire quelque chose. Il dit, ok, tu peux y aller alors. Mais tu vois l'autre, il a des boucliers, il a des cuirasses, ok, prends mon bouclier, ma lance. Et le petit a essayé ces éléments-là. Et puis il s'est senti lourd. C'est bien kilo, Ibi. Bien quoi kilo? En fait, là, de la formation d'où je viens, ces choses ici ne fonctionnent pas. Et Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et il dit aussi, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes selon Dieu. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, Saül, tu étais dans une autre école. Moi, je viens d'une autre école. Tu peux reprendre ton épée, reprends tes boucliers, reprends. Quand Saül s'est dit, ah, pas ton encouffre. Un garçon sans expérience, sans armes, contre un monsieur géant d'environ 3 mètres, avec des armes, contre un petit qui n'a pas d'armes. Si on a tout eu, Shaoul. Bon, mais si tu as fait quand même les lions, je crois que, bon, voyons voir qu'est-ce qui va arriver. Et David active les lois et les principes de son école militaire. Il crie devant Goliath. Qui es-tu, toi incirconcis, qui jette un défi aux troupes du Dieu vivant? Aujourd'hui, les chiens vont lâcher, vont... Hein? Je vais donner tout ça aux chiens. Et la Bible dit, courut devant. Et qu'est-ce que le matériel qu'il a? Une fronde, un caillou. Paf! Goliath tombe. Il y a un monsieur qui garde le bouclier ou qui fait le bouclier de Goliath. J'imagine que pendant qu'il est en train d'avancer, le gardien du bouclier, gardien homme, gardien physique, le petit, il est spirituel, il vient du camp de Dieu. Il a déjà abattu la cible, le gardien du bouclier ne sait pas. Il avance, je crois le gardien du bouclier s'est dit, mais petit, azo comprendre, azo koufasiko. Et le petit le dépasse. Et quand il se retourne, il constate que le boss est par terre, le sang coule de la tête, et puis petit azui mbeli akatiye mutu. Et c'est la débandade. Qu'est-ce qui se passe dans cette façon, dans cette armée ici? Le petit vient de l'armée de Dieu. Il était à l'école de Dieu. Que quelqu'un entre dans l'école de Dieu à partir d'aujourd'hui. Alléluia. La formation que Dieu prévoit pour ta vie est plus efficace que les formations des hommes. Je vous ai dit, à l'école de Dieu, il est lui-même le formateur. Tu peux entrer dans telle faculté, il est le seul professeur, il te forme. Quand il finit avec cette matière-là, il te fait traverser dans une autre faculté, il commence à G1 encore. Jusqu'à ce que tu finiras. Et voici, mon frère et ma soeur, que David est en train de dire, qui es-tu? Tu lances un défi, pas à David, mais aux troupes du Dieu vivant. J'ai appris à me sacrifier derrière le troupeau des animaux. Pourquoi ne me sacrifierais-tu? Je pars pour mon peuple. Plus forte raison, mon armée qui vient de passer 40 jours au front sans résultat. Alléluia. Le nom qui est en toi a une destination utilitaire. Elle n'a pas une destination de ta propre gloire. Si gloire il y aura, si avantage personnel il y aura, ça ne sera que des à côté de ton parcours. Mais le principal, c'est l'utilitaire. L'essentiel, l'important, l'intérêt commun. Amen. Suis-je pasteur pour Eston? Est-ce que je suis pasteur pour Eston? C'est comme ça que L'ange dit à Gédéon, à Juge 6, 14, et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël. Non pas, va avec cette force que tu as et cache ton blé. Vous avez vu? Avec cette force qu'il avait, il pouvait aussi bien conserver ses biens, peut-être même les biens de sa famille. Mais l'ange lui dit, la force que tu as, vaillant que tu es, les contenus que tu as, ce n'est pas pour toi seul, c'est pour la nation. Et il alla et il sauva la nation. Alléluia. Alléluia. Alors il y a trois destinations du contenu de ton nom divin. Trois destinations. La première, c'est la communauté. La deuxième, c'est la réponse aux besoins. La troisième, c'est la cause divine. La communauté. Dieu est intéressé à la communauté où nous vivons. Dieu est venu nous chercher dans la communauté. Pour nous sauver, Dieu est venu nous chercher parmi les hommes et les femmes qui constituent la communauté. Et la communauté vit sur une région visée, sur une région physique. De sorte que Dieu est intéressé. Dieu est intéressé à la qualité de la communauté. Dieu est intéressé à l'environnement dans lequel les hommes vivent. C'est pourquoi il dit un jour à Israël dans Jérémie 29, 7, « Cherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel pour qu'il donne la paix à cette ville, car votre paix dépend de la paix de cette communauté-là. » Votre paix dépend de la paix de votre communauté. Esther devient reine chez Assyrus, non pour faire l'évangélisation, mais pour sauver sa communauté. Plusieurs mois et années après, un complot naît dans le cœur de Haman. Il veut exterminer, génocide des Juifs. Mais Dieu a déjà préparé Esther au poste ou dans les milieux des décisions. Pour faire quoi? Pour sauver la communauté. Lorsque nous prions pour notre nation, c'est une mission de salut pour la communauté. L'état de où nous vivons nous concerne. Et dans notre nom, il y a une portion de mission sur la communauté où Dieu nous a placés. Je disais au premier culte, si tu as été appelé prophète, si tu es prophète, ton nom c'est prophète. Est-ce que le prophète peut balayer sa maison? Répondez-moi. Est-ce qu'il peut balayer aussi sa cour? Est-ce qu'il peut arranger derrière, dans l'avenue de chez lui? Mais il peut dire, non, moi je suis prophète. Je vous attends, venez, je vais prophétiser sur vous. Que les autres arrangent l'avenue. À lever les herbes là-bas, c'est salongo samedi. Non, non, non, nous les prophètes, on ne fait pas les salongo. Nous, on prophétise. Et certaines personnes se sont enfermées dans des chambres de prière. Et ils ont devenu des Ottawa. Et puis ils ont dit, bon, moi je suis là juste pour prier et pour prophétiser. Vous autres, faites les autres choses. Attention. Dans le contenu de notre nom, il existe une destination, la communauté où Dieu nous a placés, la communauté où nous allons vivre notre appel. C'est pourquoi, frères, sœurs, s'il y a de l'insécurité sur ton avenue, mets même une ampoule sur ta clôture. Au moins quand le courant viendra, quand il vient, ça va éclairer à ce moment-là. Afin qu'à l'extérieur, il y ait de la sécurité. Si tu as un panneau, fais même Même une petite ampoule là dehors. Et si chaque voisin fait ça, ton avenir est éclairé. Et vous savez, quand l'avenir est éclairé, on saura même que les herbes ont commencé à pousser. Et quand c'est éclairé, les mauvais voisins ne viendront pas jeter leurs poubelles devant votre maison. Mais quand c'est les ténèbres, le matin vous vous réveillez, quelqu'un a laissé sa poubelle devant vous. Pourquoi? Il faisait noir là-bas. Il n'avait pas de poubelle publique où il allait laisser sa poubelle. Il a marché avec pendant longtemps. Il s'est dit, comme il fait noir ici, je laisse ma poubelle ici. Et s'il y a un peu de saleté devant chez vous, la saleté appelle la saleté. La poubelle appelle la poubelle. Quand c'est propre chez vous, vous savez, quand vous allez dans des avenues qui sont propres, vous avez même mal, difficile à cracher. Mouchanda Moumavi les avile. C'est tellement propre. Et il y a la salive dans la bouche, vous êtes obligé de l'avaler. Parce que si je crache là, ça ne marche pas. Bonne assiduité. La communauté va bénéficier de ton nom. Amen. Le deuxième destinataire, c'est les besoins. Lorsque nous menons une vie attentive, nous allons remarquer les besoins autour de nous. Et si tu ne connais pas encore ton nom, tu vas sentir chaque fois que tu rencontres tel besoin, que ton cœur s'enflamme, que quelque chose bouge en toi. Tu as envie de faire quelque chose. Tu as un souci. Il est possible que ton nom contient la solution à ces besoins. Et si tu es attentif, tu peux commencer à être utile dans ta génération et à résoudre ces problèmes. Alléluia. Je vais un peu filer. La troisième destination, c'est la cause divine. C'est-à-dire tout ce que Dieu veut faire pour l'humanité. Tout ce que Dieu veut faire pour l'humanité. La cause de Dieu. La cause divine est une destination globalisante parce qu'elle renferme et la communauté, et les besoins aussi, et le spirituel. La cause divine. Mais Dieu opère dans un contexte de royaume. Et là, dans le royaume, il a des objectifs divins que je regroupe un peu en trois. Les objectifs divins dans ce royaume, c'est le salut de l'humanité. Matthieu 24, 14, il est écrit, « Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations pour servir de témoignage, puis viendra la fin. » Deuxièmement, l'entretien de l'Église. Les hommes et les femmes qui ont été sauvés, Dieu les rassemble en Église. Et Jésus a dit, je bâtirai mon Église, ni la mort, ni le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 16 à 20. Je bâtirai mon Église. L'Église a besoin d'être bâti. Et j'ai fait remarquer hier ou avant-hier la compréhension de ces versets. Et je vous le rappelle. Jésus dit, je bâtirai mon Église et la mort et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire, je bâtirai mon Église de telle manière que les séjours des morts ne prévalent pas contre l'Église. Donc, la victoire de Jésus-Christ sur les séjours des morts et sur la mort, c'est la qualité avec laquelle il bâtit l'Église. Et vous avez vu, nous avons... Notre vision, c'est bâtir fort pour. C'est la vision de Jésus. Bâtir l'Église de telle manière que le monde des ténèbres ne ne réussissent point. Mais nous bâtissons l'Église à lui communiquer la vie effective, amenant l'Église à devenir effective dans les multiples aspects de la vie de l'Église, mais aussi de la vie de la société. Communiquer la vie effective. C'est le Jean 10:10 où Jésus dit, les voleurs viennent voler, détruire, égorger, mais moi, je suis venu pour que vous ayez la vie, mais il fait monter la barre, pour que vous ayez la vie en abondance. Autrement, pour que vous ayez la vie effective. Vous voyez? Bâtir l'Église de telle manière que le monde des ténèbres, le séjour des morts ne prévalent pas, signifie rendre l'Église si puissante. Or, l'Église, ce sont les individus. Dieu ne travaille pas sur la communauté d'abord. Il travaille sur les individus pour que les individus soient des instruments de bénédiction ou de travail sur la communauté. Dans les approches divines, Dieu poursuit les individus. Pour quelle raison? Les jugements de Dieu ne concernera pas les groupes des gens. Il concernera les individus. Et Dieu a intérêt à travailler sur l'individu. Si Dieu doit bâtir l'Église comme un ensemble, il bâtit l'individu pour que cet ensemble soit constitué des bons individus. Tu peux dire au voisin, entre dans l'équipe des bons individus. Je bâtirai mon Église. L'entretien de l'Église, c'est une cause divine. La troisième cause divine, c'est l'implication du plus grand nombre dans la conquête des habitants de la terre. Cause divine. Dieu veut impliquer le plus grand nombre dans la conquête des habitants de la terre. Il dit dans Matthieu, chapitre 9, verset 36, jusqu'à chapitre 10, verset 1, 2, 3, il dit, il allait, et puis il eut compassion, et il dit aux disciples, priez les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. J'ai besoin de la main d'œuvre. Je vais conquérir les habitants de la terre. Mais je manque quelqu'un. Il y a une cause auquel répondre. Conquérir les habitants de la terre. Qui ira pour moi? Qui ira pour nous? Qui ira pour l'église Arche? Qui ira? Il se peut que ton nom contient la cause ou la réponse à la cause de conquérir les habitants de la terre pour Dieu. Déjà, lorsqu'il a envoyé Abraham, il lui a dit, tu deviendras une bénédiction pour toutes les nations de la terre. C'est-à-dire, Abraham, je t'ai promis que je te bénirai, je rendrai ton nom grand, mais la finalité, c'est pour être bénédiction pour les nations de la terre, toutes les familles de la terre. Tu vas aider toutes les familles de la terre à me connaître, moi Dieu. Tu vas aider toutes les familles de la terre à être bénies comme toi. Et si Abraham s'est concentré sur lui et sa famille, eh bien, je crois que Dieu allait à un moment donné décrocher son objectif. Elle est laissée pour compte. Buona sfiwe. Voilà donc que tout homme et femme ayant reçu le nom divin et qui est conscient que tout ceci a été engendré par Dieu. C'est Dieu qui t'agendre. C'est Dieu qui te crée. C'est Dieu qui t'envoie sur la terre. Pour un but, avec un nom spécifique, qui a comme mission la communauté, le besoin, ou répondre aux besoins, et puis la cause du royaume des dieux. Quatre vérités pour résumer tout ce qu'on a vu durant cette semaine. Retenez cela. La première, c'est que le vrai homme et femme solution sont ceux qui accèdent à leur nom divin. Les vrais hommes et femmes qui vont réussir à partir de maintenant, dans la suite de leur vie, ce sont ceux qui vont découvrir leur nom conçu par l'Éternel, leur Créateur. Et qui vont, deuxième vérité, c'est qu'à tout homme existant sur la terre, tout homme est attaché à un nom divin. À tout homme qui est sur la terre, toute femme qui est sur la terre est attachée à un nom divin. Et c'est dans ce nom qu'est contenue la raison d'être de cette personne sur la terre. On pourrait dire l'ADN divin. La raison d'être, elle est dans ton nom. Troisième vérité, les hommes et les femmes attentifs, lucides, ils attirent Dieu et les poussent à les visiter. Si donc tu développes un cœur attentif, une vie attentive, tu vas attirer Dieu. Tu vas attirer Dieu. Et finalement, quatrième vérité, Dieu prévoit une interdépendance, une interconnexion entre certains noms dans une même génération, une sorte de complémentarité de certains noms. Je vous donne quelques exemples. En fait, comme l'homme n'existe pas pour lui-même, on est d'accord? Tu peux dire au voisin, tu n'existes pas pour toi. Hein? Il y a des dimensions des noms. Il y a des dimensions des noms. Il y a des noms qui englobent d'autres noms. Il n'y a pas eu 10 Abraham. Bon, peut-être chez nous ici, comme les Congolais, ils aiment toujours être au sommet de tout. On a eu 1 plus 4, n'est-ce pas? Prochainement, on aura combien? 1 plus 8. Il y a des gens, des êtres, des personnages à qui Dieu donne un grand nom. C'est-à-dire une lourde responsabilité. Un nom qui contient d'autres noms. Prenez Abraham. Dieu lui donne un grand nom. C'est pour établir un peuple mis à part. Les paniers des offrandes peuvent commencer à passer. Et nous allons offrir à Dieu entre-temps. Abraham, je vais te mettre de côté. Sors de ton pays, de ta patrie. Va dans là où je te dirai. Ok. Et Abraham quitte chez lui. Et Dieu commence un peuple avec Abraham. Regardez Moïse. Dieu lui dit, tu vas sauver mon peuple en Égypte. Mais comment je fais? Moïse dit, je ne sais pas parler. Dieu lui dit, j'ai désigné quelqu'un d'autre. Il s'appelle Aaron, ton frère. Autrement dit, j'ai mis en Aaron un nom. Et Dieu dit à Moïse, tu seras Dieu. Et Aaron sera ton prophète. Autrement dit, moi, je vais parler avec toi, je vais traiter avec toi, mais j'ai mis en Aaron les capacités, la raison d'être, la mission de bien transmettre ce que je te donne. Et Aaron va avec Moïse. Aaron n'est pas Moïse. Aaron n'est pas le libérateur d'Israël, de l'Égypte. Mais son nom, où le contenu de son nom est attaché au nom de Moïse. Allô? Vous êtes fatigués? Je peux vous voir? Ah, vous êtes encore là. Puis vint le jour où Dieu dit à Moïse, bâtis-moi le tabernacle. Ok. Il lui dit, tu feras ceci selon le modèle que tu vois, tu feras cela selon le modèle, tu sais. Ok. Je crois que Moïse dit, mais Dieu, moi je ne suis pas artiste. Et la réponse est non. J'ai préparé un jeune homme qu'on appelle Betsaleel, un autre qu'on appelle Oholiab et les autres. Je les ai oints du Saint-Esprit aussi. Est-ce qu'un artiste a besoin de l'onction? Il y a des artistes ici. Est-ce que quelqu'un qui fait un métier a besoin de l'onction? J'ai préparé Betsaleel. Il va faire un travail de la main, un métier. Il va broder, il va créer des choses à la main. Mais c'est lui qui va préparer les matériaux que toi tu vas utiliser. Donc le nom de Betsaleel est contenu dans le nom de Moïse. Bonas fiwe. Et je vais dire à quelqu'un ici, sois souple. Parce que si Dieu a prévu que ton nom est contenu dans le nom de quelqu'un d'autre, accepte. Ne sois pas juste un Congolais. Il y en a qui vont bouder le nom que Dieu leur a donné. Si Dieu t'a donné un nom pour résoudre les problèmes de la communauté, tu risques de dire, Seigneur, or, Dieu vise et les choses de la terre et les choses du ciel. Tous, regardez le petit Gédéon. Dieu dit à Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madian. Avez-vous vu Gédéon aller à la guerre lui seul? Vous avez lu le texte? La Bible dit, et Gédéon convoquant les familles, il convoqua les peuples, et tous répondirent. Je me suis posé la question, mais ce jeune homme, il est dans un village, personne ne le connaît. Comment il peut convoquer toute la nation et puis les gens se joignent à lui? C'est l'onction qui est dans ce nom-là, qui convoque. La Bible dit, l'onction répond à tout. Même quand il n'a pas de formation, quand tu n'as pas de capacité spéciale, l'onction en toi, l'onction de ton nom va résoudre le problème. L'onction en toi va faire le travail. Et donc, mon frère, ma soeur, il est possible que ton nom soit contenu dans un autre nom. Lorsque tu es en train de chercher ton nom, sois souple, sois prêt à accepter le nom que Dieu va te donner. Alléluia. Vous voyez, le grand patriarche Jacob change de nom. Dieu lui dit, tu ne seras plus Jacob, désormais tu es Israël. Et il agende les 12 tribus. Puis la famine arrive. Or, il a engendré un petit Joseph qui a été vendu en Égypte. Le nom de Joseph a une mission pour la communauté de Joseph. Joseph dit à ses frères, Dieu avait connu ce jour. Il m'a envoyé ici pour vous préparer votre salut. Deux objectifs. Joseph va en Égypte pour préparer le germoir de la famille de Dieu, de la famille de Jacob. Ils sont venus en Égypte, 70 personnes. Et ils sont sortis 603 000. 70 personnes ne pouvaient pas aller conquérir Canaan. On allait les massacrer. Mais Dieu a prévu que Joseph, ton nom, consiste à sauver ta famille de la famine, à faire le germoir de la famille pour constituer une grande armée et puis à aller reprendre le terrain. Mais le nom de Jacob, Israël, consiste à juste engendrer la famille d'Israël. Bonus view. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nos noms seront interconnectés. Certains noms seront interdépendants. Certains noms seront, on pourrait dire, parallèles, parce que Dieu ne peut pas non plus mettre sur terrain, dans une même nation, Dieu ne va pas mettre 10 rois. Vous comprenez ça? Et donc, si quelqu'un a déjà le nom de roi, les noms des autres sont complémentaires ou interconnectés au nom de ce roi. Il en est de même pour l'Église. Dieu ne va pas mettre 1000 pasteurs dans une Église. Ça fait 1000 têtes. Mais il va mettre des pasteurs assistants et associés dont les noms sont des compartiments du nom du pasteur. Si vous avez vu ça? Et si ces pasteurs-là sont des Congolais, ils vont dire « Toka pale hein? ». Vous voyez ça? Toka pale, oui, tu n'as pas quoi pasteurer, tu vas s'en amener mes aouez. Toka pale. C'est pourquoi soyez souple. Dieu peut t'avoir donné le nom de pasteur, n'est-ce pas? Et tu es à l'arche. Tu viens de devenir pasteur. Dieu vient de me dire que mon nom c'est pasteur. Donc, oui, toka pale, miningi. Est-ce que ça va marcher comme ça? Il y a des noms qui sont complémentaires, qui sont interconnectés. Et il faut être prêt à les accepter et à les vivre. Parce que si tu l'évites, tu pars à côté de ton nom. L'ange dit à Gédéon, le sauveur d'Israël contre Madian, c'est toi. C'est-à-dire, même si tu dis, non, je ne suis pas digne, je ne suis pas capable, ou l'inverse. Ou si tu dis à l'ange, ange, c'est moi, tu vois là. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le contenu de ton nom. Lève-nous, on va prier. Retire de manière synthétique ce qui suit. Dans la première base de la réussite, retiens ceci. Il faut que tu te connaisses. Il faut que tu connaisses ton contenu. Il faut que tu localises ton domaine d'opération. Il faut que tu t'engages à agir. Ne reste pas juste en train de jouir de la connaissance de ton nom. Engage-toi à agir. Et cinquièmement, il faut que tu respectes les principes. Il y a quelques autres bases que nous allons partager plus tard. À partir de demain, vous avez vu tous nos bien-aimés hommes et femmes de Dieu qui vont nous enseigner durant ce mois. À partir de demain, il y aura notre sœur, pasteur Adassa, qui va nous enseigner pendant quelques jours. Ensuite, le pasteur Zawadi, cette semaine, et on va continuer. Je crois que nous allons revenir sur les bases à la fin du programme. Alléluia. Alors, tu vas demander à Dieu de te faire grâce, n'est-ce pas? Est-ce que je connais mon nom? Si pas encore, Seigneur, fais-moi grâce. Prions le Seigneur. Demande la grâce. Demande la grâce. Quelque